ODT Mixtape Nightmare Volume 1. Yeah, Linus. Prends ça comme un gauche-droite, tu percutes une bonne charge, tu percutes un obstacle, super rude le comeback, du vrai truc improbable, superfuge, une douche froide, la poudre et l'aura sur les nuls, un coup de pression, un shoot bestial, une courte session qui te coupe les jambes, couche les wacks. 24 bonnes heures de stress comme Jack Bauer, c'est le master, Linus, le rap sauveur, frère. Prends ça comme une alerte à la bombe, une manière cramée, le monde, un casse-tête alarmant, un appel à l'affront, une force du cœur, un rhum tu sais, qu'un truc qui choque comme Marilyn Manson sur scène. C'est juste de la vibe, des bonnes phases, du vrai rap, c'est juste de la grâce, des grosses claques sur les nasses. C'est plus que de la rage très coriace sur les packs, un truc remarquable, nous faire obstacle, tu ferais pas. T'as fait 06 7 7 7 5 9 1 9 2 9 3 9 4 9 5 06 7 7 7 5 9 1 9 2 9 3 9 4 9 5. Des valeurs de la vie, dévalant les vallées d'Oraïtar dans les allées de ma ville, c'est-à-dire dans ma petite vie. Alors dis-moi petite fille, quelle vie s'attire, si t'es ma tire pute, on m'attire lire. C'est ma philosophie de ma vie de zoo, un ticket de zone, un gros zoom sur la cité des ondes prises. Ça sort aux zones et l'hospice, les keufs en monospace, nous collent au pack, les bonnes spars, ça sent pas la rose, plutôt l'autre piste. C'est l'Occident, l'air est toxique, un taxi pour le jab, le crime se déguise en accident. Tout ça, c'est la faute des hommes, non des automates, sous la menace d'un automatique. C'est la traîtrise entre les deux homoplates, suffit d'un clic. Quoi, je vais pas finir dans une flaque avec les flics qui rappliquent. Beurre, flirte avec le maire comme sur la feuille au coin du beat, sur la pointe du pic. C'est pour mes blagues, blanc au pic. Beurre 06 7 7 7 5 9 1